Unified, c'est ici que tout démarre. Fun Radio, le son dance floor. Sur Fun Radio. Bonjour à tous, il est 16h59, on est en direct, c'est que du fun pendant tout l'été, du lundi au vendredi entre 17h et 20h. Je m'appelle David et pour m'accompagner, il y a le roi des jeux vidéo, Monsieur Smart Toys, Kaufman. Ça va Kaufman? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, impeccable, en pleine forme. Bon alors on est bon pour partir 3 heures ensemble. On est très bon et avec moi la touche féminine, ma femme, Laurence qui va s'occuper également d'une chronique beauté. Ça va Laurence? Ça va super bien et toi? Il y a Carlo à côté qui fait, il emmène tous les jours sa femme en plus. Non mais c'est marrant, tu dis que c'est ta femme quoi. Oui je préfère le dire, tu vois, comme ça je cache pas aux auditeurs que c'est ma femme. Et sexuellement ça va bien entre vous? Carlo journaliste sexologue maintenant. Dans l'émission il y aura le Sarah Salov du côté de Kaufman et de Laurence. Vous avez déjà votre Sarah et Salov? Ah moi je peux dire que je vais lever à mort et mais je vais aussi râler à mort. Ah ok, c'est formidable ça, tu vas râler, j'aime bien quand tu râles. Il y aura aussi le fun beauty de Laurence, on va parler beauté, on parlera de... Des cheveux des filles cet été. Parfait, le fun game on parlera... Des cheveux des garçons pour l'été. C'est parfait, les 17h c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Et soyez sympa, pas de dispute de coupe pendant les news. Hein. On essaiera. Ouais. Et on commence avec l'info du jour concernant Salab Deslam. Non, je dis ça parce que quasi quotidiennement, il y a quelque chose à apprendre sur notre terroriste. Hein, même que le mot terroriste, vous pouvez l'écrire avec un T majuscule, en croire en tout cas à Mohamed Abrini. Vous savez, le mot chapeau, Abrini qui a reconnu avoir pris part à l'attentat à Zaventem le 22 mars et soupçonné d'avoir participé aux préparatifs de la tuerie de Paris en novembre. Il a en tout cas été filmé en compagnie d'Abdeslam dans une station-service française en direction de Paris 2 jours avant les attentats. Abrini peut donc être pris au sérieux lorsqu'il affirme qu'Abdeslam a eu un rôle bien plus important qu'il ne veut le faire croire dans les différents attentats, et d'expliquer lors de ses premières auditions que Salah Abdeslam était allé chercher presque toutes les personnes impliquées dans les attentats parisiens, des gens qui venaient de Syrie, et puis de les déposer dans les différentes planques. Abrini affirme également que les terroristes de Paris et de Bruxelles faisaient partie d'un même grand réseau, mais ça, on l'avait déjà compris. Les attentats du 22 mars chez nous ont eu un certain nombre de conséquences, et il y en a une à laquelle on pense pas forcément tout de suite, hein, c'est le fait que les revenus de la TVA ont reculé. Ah bah ouais, les gens ont souvent reculé, eux, devant la perspective de fréquenter les centres commerciaux. Bref, tout ça pour dire que les recettes fiscales sont inférieures de 760 millions d'euros, ce qui avait été estimé en avril lors du contrôle budgétaire. En partie donc à cause de la TVA, mais pas seulement, hein, les revenus du précompte mobilier sont trop bas également. 760 millions en moins que prévu, donc à quoi il faut ajouter le trou dans la sécu, 229 millions d'euros. Mais pas de quoi inquiéter plus que ça, le ministre des Finances, après tout, l'année passée à la même époque, c'était pire. Un petit tour dans l'espace avec la sonde Juno de la NASA qui vient de se mettre en orbite autour de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Bah oui, Juno, c'est Junon, hein, d'après la déesse de la mythologie romaine qui était mariée à Jupiter. Bah voilà. Et c'est donc logiquement que Juno a été attirée par Jupiter et a réussi à se faire happer par sa gravité. Juno, qui, dans les 20 mois qui viennent, va étudier les gigantesques aurores boréales de la planète, son atmosphère, son immense tache rouge. Et surtout, il va s'agir de mieux comprendre de quoi se compose l'intérieur de Jupiter, jusqu'ici inobservable. On sait qu'il s'agit d'une planète gazeuse, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir à son sujet. Enfin, au tennis, David Goffin a été logiquement battu par le Canadien Raonic en 8e de finale du tournoi de Wimbledon. Logiquement, vu que Raonic fait partie du top 10 mondial, n'empêche que cette défaite est plutôt ralente. On sait que le Liégeois menait 2-7 à 0, dur à avaler, évidemment. Fun Radio. Avant d'en trouver Boosty, le Saral Salove, la météo, Carlo, nuageux aujourd'hui, ça va augmenter demain, ça un petit va peu aller mieux. Ouais, parfait. Il va pas faire beaucoup plus chaud, ouais. Mais en principe, on va avoir droit à de belles éclaircies sur l'ouest et le centre du pays, donc à Bruxelles. Okay. Sur la partie est, encore un petit peu de nuages, mais le temps va rester sec. Hein. Il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet-là. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse avec David et le son de Je sais pas, parce Boosty. Que tu me l'as pas dit. Ouais, toujours. Je vais ouais. Apprendre à te le dire maintenant. Boosty. Ouais, Boosty. Boosty. Boosty. Les soldes XXL sur Krefel.be. Commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Ah, Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Dans moins de 3 minutes, la team revient. C'est que du fun sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Hein. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song I feel alone. Watch these people look so happy all around. On and on. jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule. Et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule. Le son dance floor avec Jonas Blue, Perfect Stranger. Mais c'est le moment de râler et de lover avec Laurence et Kaufman. Et on va commencer par le love de Kaufman. Oui, alors qui n'a jamais vécu une séance de shopping avec sa petite amie, sa compagne? Normal, ouais, j'ai encore vécu drôle. Aujourd'hui. Bah ouais, voilà. Ce qui est toujours drôle, c'est que les filles, les femmes repèrent quelque chose de loin. Ah, c'est super ça, je veux ça. Et c'est un peu c'est la pas des enfants. Non, non, mais c'est à peu près ça. Oh oui, t'as vu la robe, elle est magnifique alors qu'elles l'ont même pas encore touchée ni vue de près. Et c'est un petit peu la mésaventure qui a été vécue par une Anglaise qui a fait son shopping. Et qui voit un pyjama et qui tombe amoureuse de ce pyjama et qui dit ouais. Moi je le veux, t'as vu, il y a des trucs mignons dessus. Okay. Sauf que, et c'est là que ça coince, ouais. Elle rentre à la maison, elle regarde un petit peu le pyjama de plus près et elle s'aperçoit qu'en fait c'est pas des animaux très mignons qu'il y a dessus, mais des gens qui sont en train de s'envoyer en l'air. Et qui sont sur le pyjama. Énorme. Oh non. Donc moi je love ce genre d'histoire. Et c'est un petit peu un message pour toutes les femmes. Avant de vous précipiter, regardez bien ce que vous achetez, parce que ça m'évitera de lover la prochaine fois, voilà. Ouais. Oh, sinon faut dormir tout nu sans pyjama, au moins ça n'arrive pas, tu vois. Mais ça n'engage que toi. Et puis, si, effectivement, à Laurence, ça râle. Ouais, j'ai râlé aujourd'hui en voyant l'info sur l'émission en fait Chasseurs d'appart sur M6. Ok, donc, ici, en France, je ne connais pas trop, ouais. Mais en fait, donc voilà, c'est une émission où il y a des agents immobiliers qui doivent vendre un bien. Et donc en fonction de critères spécifiques. Okay. Et il y a un des candidats en fait qui s'est plaint parce que il y a des droits à l'image qui n'ont pas été respectés. Il dit qu'il y a eu de l'abus de la production, qu'ils lui ont mis un forcing de dingue. Et donc du coup il demande 50 000 euros de dommages et intérêts. Ouais. Et voilà, il est vraiment super vénère. Et moi ça m'a fait râler parce que une fois de plus les sociétés de production nous prennent un peu pour des débiles. Il y a des montages, des trucages, des scènes remises en scène, remises en scène. Et donc voilà, ça m'a fait lever un peu durement aujourd'hui sur la boîte de prod et sur toutes ces émissions. Ah, c'est la télé, hein. Bienvenue dans le monde impitoyable des médias. Tu verras, Laurence, en fin de saison, nous aurons aussi des petits montages sur toi, ne t'inquiète pas. J'ai hâte de voir ça. Allez, pour la suite du Sundance Force, c'est Jonas Blue. Et après, j'ai des cadeaux pour vous. On va jouer combien ça coûte, j'ai un prix. À vous de deviner l'objet. Au 3044, on y va. Jonas Blue, c'est parti. You were looking at me like you wanted to stay. Yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not for. This way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the Radio. Fun Radio. Fun Radio. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember? All we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Dans un instant, Drake One Dance sur Fun Radio. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Mais maintenant, on joue dans C'est que du fun de 17h à 20h du lundi au vendredi. C'est votre nouveau rendez-vous de l'été. On va jouer au combien ça coûte. C'est très simple, j'ai un prix et vous allez devoir deviner l'objet. À quoi correspond ce prix? D'accord. Le prix du jour. 63 euros, c'est le prix du jour. Mais allez-y. Donc les auditeurs peuvent jouer en même temps que nous. Ouais, au 30-44, allez-y pour jouer et pour gagner des packs collector. Et oui. On les aide, c'est ça? On fera des packs de goodies collector qu'on vous enverra très très vite chez vous pendant l'été. Ça fait toujours zizir, c'est-à-dire plaisir. Voilà, et Laurence, effectivement, tu peux aider les auditeurs, Kaufman également, en posant des questions. Allez-y, posez des questions. Le prix, 63 euros. D'accord, 63 euros. Est-ce que c'est un produit qu'on... Oui, un produit qu'on utilise au quotidien? Oui, tous les jours. Tous les jours. Oui, je transforme le mot quotidien en tous les jours. Est-ce qu'on le prend avec nous tous les jours? Non, on ne le prend pas. Est-ce que ça se mange? Non plus. Est-ce que c'est électronique? Non, ce n'est pas électronique. Bah si, c'est électronique. Si, excuse-moi, c'est électronique. Est-ce qu'on inscrit ses rendez-vous dedans? Non, on peut pas inscrire. On peut rien inscrire dedans. On peut rien inscrire? Non, on peut rien inscrire. D'accord. Est-ce qu'on le transporte dans la poche ou un truc comme ça? On peut. On peut. Mais est-ce que c'est vestimentaire? Non plus. Toujours pas. Est-ce que c'est petit, grand, moyen Toutes les tailles. C'est moyen, c'est, on va dire ça tient dans une main. On récapitule. Okay. En deux mains, ça tient. Ce n'est pas électrique? Électronique, si, c'est électronique. Là, c'est électronique, ça ouais. Tient dans sa poche. Ouais, et on l'utilise tous les jours. Et c'est un objet okay. Du quotidien. Objet du quotidien. Allez-y au 3044. Hein. On me dit un aspirateur. Non, ce n'est pas un aspirateur. Allez-y, autour de la table, des questions. En même temps, j'ai jamais vu qu'on mettait un aspirateur dans sa poche. Bon, on peut pas le mettre dans la poche. Hein. À 63 euros. Ça sert à transporter quelque chose? Non. C'est pas un portefeuille? Non plus. Ce n'est pas un portefeuille. Bien joué, Kaufman. Une télécommande, on nous dit au 3044. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Et quelqu'un nous dit bonjour, alors c'est votre équipe, c'est vous l'équipe qui remplace Audrey. Oui, c'est nous. Bienvenue. Bah oui, c'est Laurent, ça. Bah, je sais pas, 63 euros, ça pourrait être. On me dit une clé de voiture au 3044. Non, ce n'est pas la bonne réponse. À 63 euros la clé, ça fait cher, ouais, quand ça même. Ça fait cher, la clé de voiture. D'accord. Est-ce que ça peut se. Bon, donc ça se transporte, ça se met dans la poche, c'est électronique. Ouais, on l'utilise à un moment précis de la journée. On peut pas l'utiliser toute la journée. D'accord. Est-ce que c'est une télécommande? Non, ce n'est pas une télécommande, on l'a déjà dit au 3044. On me dit également une cigarette électronique. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Un iPod, ce n'est pas la bonne réponse. Une montre, non plus au 3044. Allez-y, allez-y, personne n'a trouvé pour l'instant. Et autour de la table, personne n'a trouvé non plus. Hein. Non plus. Ah, dans le flou total, un porte-carte peut-être? Non, ce n'est pas un porte-carte. Est-ce que c'est un produit qui nous aide dans le professionnel? Non, pas vraiment. Ça vous sert vraiment tous les jours, hein. Mais tous les jours, à un moment précis de votre journée. On un rasoir, on me dit. Non, ce n'est pas un rasoir. Mais on se rapproche, brosse à dents électrique. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est pas un truc de travail, on est d'accord? Non, on l'utilise pas pour travailler. C'est un truc de plaisir alors. Ouais. Divertissement. Bien sûr. Mais on l'a tous. Bah non, pas divertissement, mais ça va nous servir à, vraiment à quelqu'un qui l'a trouvé au 3044. Bravo. Tu peux signer le numéro qui termine par 56. Bravo à lui. Non mais tu nous embrouilles là. Une brosse à dents? Non, ce n'est pas ça. Tu nous embrouilles. C'est quelque chose qu'on utilise le matin. Le matin. Ok, on l'utilise tous les jours le matin. C'est la première chose qu'on utilise le matin. Ouais, bon. Un sèche-cheveux? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Une brosse à dents? Non, ce n'est toujours pas ça. Une brosse à dents électrique. Le mec, il dévie. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y au 3044. Je prends un gagnant juste après Drake avec One Dance. On est, c'est que du fun. On est ensemble jusqu'à 20h du lundi au vendredi. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin, on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick! Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire? Mi daresti la crema solare? Je t'enduis le dos? Te la spalmo sulla schiena? Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio. Fun Radio. Without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the set sail on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave. Burning through the evening rain, set sail on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave.

Le son dance floor va continuer avec Chris Cab et Youssoupha. Badabing sur Fun Radio. Et on était dans le jeu du combien ça coûte. J'avais un prix, c'était 63 euros. Mais à quoi correspond ce prix? Et on a Julien qui est avec nous, qui a trouvé la bonne réponse. Salut Julien. Salut, salut Julien. Bonjour à toute l'équipe. Salut Julien. Salut Julien. Ça va bien Julien? Oui, ça va bien, et vous? Bon, nous ça va autour de la table Kaufman. Écoute, il me manque le cocktail, la chaise longue et les cocotumes. À part ça, ça c'est va. C'est parfait Laurent, ça va? Ah, super. Bien, bien, bah, voilà, bien. Parfait. Tu fais quoi de beau Julien? Ici je travaille. Tu travailles? Ah, tu travailles dans quoi? Ici aux carrières Alessine pour l'instant. Ok, très bien. Tu prends pas de vacances alors? Fin du mois. Fin du mois, tranquille. Oh bah, ouais, ça va, ça va venir vite, fin du mois, t'inquiète pas, on est que le 5. Ça va venir très très vite. Julien, tu as dit quoi alors? 63 euros, ça correspond à quoi pour toi? Un réveil. Pour toi, c'est un réveil. Ah, bah c'est de bonnes nouvelles, ouais. Ça. Ça veut dire que de 1, t'es le seul à comprendre David Barbet. Et le 2, c'est que tu viens de remporter ton pack de goodies collector. Bravo! Wow, bravo! Ouais, merci, merci. Bravo, Julien, tu rempars avec ton pack collector offert par Smartoy, c'est cadeau. Merci. De rien, bonne journée, merci. Julien, bonne soirée. Bisous, bisous. Salut, Julien. Bisous, bisous. Merci, au revoir. Laurence, tu es prête? Ouais. Tu es prête pour ton fun beauty, pour en apprendre un petit peu plus sur la beauté pour les femmes et pour les hommes. C'est pour les deux Kaufman, t'inquiète pas, c'est pour les deux, je te jure. Toutes les nouveautés beauté dans le fun beauty avec Laurence. Et on va parler de quoi, Laurence? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des cheveux. Des cheveux, enfin parce qu'il faut absolument en prendre soin l'été. Ouais. Parce que voilà, souvent, on arrive avec nos cheveux en été qui sont déjà fragilisés, cassés par l'hiver et tout. Et c'est déjà une grosse galère pour se coiffer le matin. Donc voilà, c'est quelques petites astuces pour en prendre soin cet été. Et donc, on va commencer en disant que tout simplement, il faut penser à les protéger au maximum du soleil et de l'eau. Parce que voilà, l'eau de mer, l'eau de piscine, le soleil, le vent, le sable, tout ça, ça abîme fortement les cheveux. Et donc, on doit prendre des produits hydrophobes, donc c'est-à-dire qu'ils vont être répulsifs pour l'eau. Ok. Et tout simplement. Et il faut aussi prendre des produits contenant un filtre UV. Mais on en trouve où? Ben, on en trouve dans tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est droguerie en fait. D'accord, ok. Donc voilà, tout simplement. Et donc voilà, c'est super important parce qu'ils réagissent en fait comme une crème solaire, comme on met de la crème solaire sur notre peau. Bah c'est tout simplement un peu de la crème solaire pour nos cheveux, parce que oui, nos cheveux aussi prennent des coups de soleil. Non. Bah si, exactement, on le savait pas, mais ils prennent aussi des coups de soleil. C'est-à-dire que le ton change des cheveux. Mais le ton va changer et ça va vraiment les assécher et tout comme un coup de soleil quoi, c'est vraiment très agressif pour la peau. Comment tu fais Kaufman, toi t'as plus de cheveux, comment tu fais? Moi ils ont pris un coup de soleil, ils sont barrés, ils sont jamais revenus. Donc voilà, comme produit, on a par exemple Lancaster Beauty Hair qui a fait un spray de protection capillaire. Il est vraiment super super bien. Mais la marque Phyto a encore fait mieux, ouais. Avec carrément sa gamme Phytoplage qui donne plein de produits comme par exemple le shampoing, le masque réparateur, l'huile sublimante. Bref, c'est vraiment une gamme super complète qui prend soin de nos cheveux de A à Z. Donc okay. C'est vraiment bien. C'est un gros pack. Ouais, vraiment. Okay. Donc voilà, deuxième petite astuce, c'est simplement de privilégier les soins les soins avant et après shampoing qui sont vraiment super nourrissants. Donc par exemple, on a la marque Phyto, encore une fois, qui revient avec sa gamme de produits où dedans, c'est vraiment des trucs super nourrissants qui vraiment protègent bien les cheveux. Ouais. Mais on a aussi d'autres marques un peu plus abordables, si on peut dire, qu'on trouve super, super facilement en grande surface. Qui par exemple la marque Garnier avec sa gamme ultra doux à l'huile d'avocat et de beurre de karité. C'est vraiment au top, c'est pas cher. Moi je l'ai testé et approuvé. Donc, Tu l'as testé, je suis même pas au courant. Bah si, il est dans la salle de bain. Ah oui. C'est vrai. Mais si je vous dérange, je peux y aller aussi. Tu peux venir dans la salle de bain. Non, merci. La suite. Et donc voilà, pour finir, un dernier petit conseil, c'est de tout simplement laisser ses cheveux un peu respirer et se reposer un jour sur deux. C'est la technique en fait du less is more, où on laisse un peu nos cheveux faire ce que bon leur semble, et c'est pas plus mal comme ça. Très bien. Bon, ce que j'aurais retenu de cette chronique, c'est que la prochaine fois que je suis au volant et que quelqu'un m'emmerde, je dis espèce d'hydrophobe. C'est sûr. Et Kaufman, en parlant de toi, tu vas faire le fun game dans quelques secondes. On va parler de quoi? On va parler du jeu le plus vendu en Belgique, c'est-à-dire FIFA 17, qui annonce sa démo très bientôt. On vous explique le pourquoi, du comment et tous les détails qu'il faut connaître. Très bien, c'est après Chris Cab et Youssoupha avec Badabing sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. Fun.

T'aimes pas mes enchaînements, c'est ça? Moi j'aurais dit que Laurence est dans la place. Kaufman est dans Barbet la place. Est dans la place. C'est vrai, tout le monde est dans la place. Moi avec mon front, je rentre pas dans la place. Mais bon. Alors le fun game, t'es prêt Kaufman? Bien sûr. Bien sûr, je sais toujours que tu veux ton petit jingle, comme d'habitude, hein, Kaufman. Bah, une poule ne change pas, et Kaufman non plus. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games, avec Kaufman de Smart Toys. Tu l'adores, hein, toujours ce jingle. Hein. On dirait que je suis un noble. Kaufman ça. De Smart Toys. Kaufman de Smart Toys. Dans l'actu, je te ferai visiter mon château bientôt. C'est gentil, je veux pas y aller. Bon, question autour de la table, quel est le jeu vidéo qui se vend le plus en Belgique? Si vous avez suivi que c'est que du fun il y a 3 minutes. FIFA. Et comme chaque année, le nouveau FIFA se dote d'une démo, c'est-à-dire d'un jeu minimaliste de FIFA 17 qui va vous permettre de tester avant d'acheter. C'est plutôt un bon plan. Au total, 10 équipes seront disponibles, dont notamment le PSG, le Real Madrid, le Barça. Quelques stades, dont notamment celui des Red Devils ou le tout nouveau stade de cette édition, celui de Ciuta City. Ouais. Et vous pourrez choisir entre 3 modes de jeu. Partie rapide, Ultimate Team, autrement dit avec toutes les stars, et également le mode carrière, le mode histoire, qui est une grande nouveauté qui vous permettra de découvrir un aspect plus scénarisé du football. Hein. Et okay. En cette période d'Euro, on a l'habitude de bons et de mauvais scénarios. Hein. Je suis bien placé pour te le dire, vu que la Belgique a perdu. Concernant les options, les matchs se joueront en 2x4 minutes avec des modes de difficulté différents. Niveau météo, pas possible de jouer sous le soleil. Et non, bim. Bah oui, vous serez obligé de jouer soit en automne, soit en hiver. Vous choisissez entre la pluie et la neige. C'est horrible. Bah oui, le temps sera clair ou pluvieux et vous pourrez marquer des buts en journée ou durant la nuit, puisque ça aussi c'est paramétrable dans FIFA 17. Et il ne me reste plus qu'à vous donner la date à noter dans votre agenda pour la démo de FIFA 17. Et elle sera disponible le 29 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One et Xbox 360. Comme ça, vous savez absolument tout. Ok, et le jeu va sortir un mois plus tard? Il sort, laisse-moi réfléchir, il sort en octobre, je crois. Ouais, c'est ça, fin octobre. Pas octobre, début novembre, généralement les jeux. Et je suis au courant. FIFA, je connais un peu. Et FIFA, meilleur que PES encore l'année prochaine? Probablement, ouais. Toujours? Bah, comme toujours, oui. Ouais, c'est bizarre ça. Moi, j'aime bien PES. Bah oui. Je suis peut-être le seul, en fait, en Belgique, à aimer PES. C'est pas pour rien qu'on a hébergé un Français. Hein. C'est ça, oui. Et t'as encore des cadeaux à faire gagner, bien sûr, Kaufman. Bien sûr, on aura des packs de goodies Collector Overwatch, le jeu à succès. Et ben, c'est décliné en disque vinyle, en necklace, en plein de trucs, en stickers aussi. Vous pourrez décorer votre intérieur ou votre voiture, c'est selon. Et tout ça sera à gagner dans C'est que du fun avant 20h. Parfait. Juste après, Yannick avec Feel the Love. Sur Fun Radio. Rolling down the river, my worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue, under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Feel the love.

coup l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Il sera notre invité demain, Alex Germis. Oh oui! Dans C'est que du fun entre 17h et 20h, c'est demain, restez bien branchés. C'est le son de l'été, il sera avec nous demain, grand plaisir de le recevoir. Kaufman, tu pourras lui poser toutes les questions. Pareil pour Laurence, attention, tu ne le drague pas. Drague pas. T'es déjà au courant. Maintenant, on va se faire un des meilleurs moments de la P-Hour. Les infos qui servent à rien, c'est un jeu où il faut dire si les infos sont vraies ou si elles sont fausses. Ah, moi j'adore, j'ai écouté toute l'année, je suis ravi de les avoir en best-of pendant tout l'été. Et bien c'est parti, Kaufman. Écoutez, ça s'est passé dans la P-Hour avec Audrey sur Fun Radio. Bon, on va se faire des infos qui servent à rien là maintenant. Tu te sens prêt, Fab? Je vis toujours, moi. Très bien, c'est une bonne nouvelle. On a Elodie qui est là, qui vient de Montigny-le-Tilleul. Salut Elodie. Salut Audrey, salut les gars. Ça va bien? Salut. Ça va et vous? Ah bah super. C'est quoi le programme de la soirée, Elodie? Ben, moi, je vais aller chez un ami ce soir. Tu vas aller chez un ami, c'est ce qu'on dit. Je reconnais une qui va boiter demain matin. Oh, du Fab. Toujours obligé d'exagérer, toi, sérieusement. Bon, Elodie, Fab va te donner plein de petites infos qui, en soi, généralement, ne servent à rien. D'accord? C'est pas les trucs les plus intéressants de la Terre. Tu vas devoir essayer de deviner si les infos sont vraies ou faux. Fausse, c'est mieux. D'accord? Bon, allez, c'est parti pour la première info, Fab. Bon, Elodie, concentre-toi. J'ai entendu dire qu'il paraîtrait que c'est impossible d'éternuer et de garder les yeux ouverts. Vrai ou faux? Quoi, d'éternuer et de garder les yeux ouverts en même temps? Ouais. Ouais. Alors? Attends. Donc, t'éternues et tu gardes les yeux ouverts. Toi, tu sais éternuer avec les yeux ouverts? Moi, oui, j'y arrive. C'est vrai? Eh bien, c'est faux parce que c'est impossible. Oh non! Ah, laissez-moi. Eh, hey, Elodie, qui c'est qui te souffle les réponses? Pardon? Qui c'est qui te souffle les réponses? C'est qui? J'ai entendu, hein? Qui c'est qui fait? Bien, maman, juste à côté. Ah, c'est ça! Parce qu'il y a les... vous jouez à deux. D'accord, okay, d'accord. Bah, au moins on le sait. Alors c'est parti, à deux cerveaux ça va peut-être aller. Parce que c'est pas facile les infos. Non, mais les infos de Fab elles sont pas faciles. Vas-y, la deuxième. Alors à ton avis, Elodie, combien de secondes faut-il pour que la nourriture se rende de ta bouche à ton estomac? Oh, c'est quoi ces questions? 14, 23 ou 7? Moi je dirais 14. 14? Tu es sûr? Oui. Eh bien, c'est 7 secondes. Oh non. Ah non, c'est rapide. Ah ouais. Sauf si tu t'appelles Maggie de Bloc, c'est 2. Oh non. Bon, Elodie, il reste une info. Essaye, pour l'honneur au moins, de trouver la bonne réponse. L'honneur de toi et de ta mère, quand même. Il y a deux honneurs en jeu, là. Ouais. Vos honneurs à vous deux. Alors, c'est parti. Alors, à ton avis, combien de muscles on utilise notre corps, pardon, pour simplement se tenir debout? Combien de muscles? Ouais, 2, 16 ou 300? Je dirais peut-être bien 300, oui. 300? Non, tu es sûr de ta réponse? 16, parce qu'on n'a pas 300. 16, c'est 16 ou 300? Il me faut une réponse là. Attention! Allez, 16, on prend la réponse de maman. Eh ben, t'aurais mieux fait de rester sur 300 parce que c'est une mauvaise réponse! Ah mais non, mais c'est la faute de ta maman ça, Elodie. Oui, attends, mais oui, elle m'a fait rater. La première, elle est bonne. On va mettre des tensions là à la maison. Tu iras pas chez ton ami, tu vas dans ta chambre ce soir. Bon bah Elodie, tu repars avec un autocollant Fun Radio, c'est déjà ça. Non, bah c'est bien ça, Eh bah super. Elodie, merci d'avoir joué avec nous dans l'émission. On fait des gros bisous à toutes les deux, hein. Bisous à ta maman aussi. Moi aussi. Bonne soirée les filles, bisous. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. C'est que du fun qui remplace la power tout l'été, de 17h à 20h, c'est bien nous. Elle est en voiture avec Jermis, Twitter Togo, c'est très bon ça. Feel so far. des euros avec Bailar sur Fun Radio. Il y aura aussi le Sarah El Salove de Kaufman et de Laurence, 18h01, je suis déjà en retard, Carlo, je sais, je suis déjà en retard. C'est pas grave? Non. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Je l'adore Carlo, merci Carlo. Là, je t'en veux, évidemment que je t'en veux pas. Les infos, c'est parti. Salut à tous, c'est demain que prendra fin le mois du Ramadan. Et c'est hier soir que l'exécutif des musulmans de Belgique elle a décidé. Notez que cette date est plutôt logique puisque Ramadan a commencé le 6 juin et que demain on sera le 6 juillet. Notez qu'au dernier jour de ce mois sacré, les terroristes de Daesh, qui ne respectent vraiment rien, ont mené plusieurs attentats en Arabie Saoudite et notamment à Médine, tout près de la mosquée du prophète. 4 agents de sécurité ont été tués, 2 autres attentats ont eu lieu dans le pays, mais n'ont fait en tout que 2 blessés légers. Bon, je ne parle pas des 2 kamikazes qui, eux, sont morts, évidemment. Le ramadan s'achève donc, mais les vilains barbus trouveront d'autres prétextes pour semer la mort autour d'eux, hein, j'imagine. Il va vraiment pas être facile de se débarrasser de ce cancer. Et puis ce qui est pas facile non plus, c'est de trouver un moyen de se garer à Bruxelles. Bon, vous me direz que c'est un problème un petit peu moins grave que celui posé par Daesh, c'est vrai, mais c'est un problème auquel sont confrontés à peu près tous les automobilistes de la capitale qui n'ont pas la chance de disposer d'un garage privé. Figurez-vous que selon l'agence du stationnement régional, ah oui ça existe, le nombre total d'emplacements disponibles à Bruxelles serait de 265 000. C'est 5 fois moins que le nombre d'habitants. Bon, à ça, il faut ajouter quand même les 250 000 garages privés et les 223 000 places réservées pour les écoles ou les bureaux, ce qui nous fait quand même un total de 750 000 emplacements disponibles. C'est plus qu'assez, hein, si on sait qu'un Bruxellois sur 2 possède une voiture. Et pourtant, ça vraiment galère dans de nombreux quartiers pour trouver une petite place. Marc Wilmots restera-t-il à la tête des Diables Rouges? Bah oui, je me doute bien que ça va vous faire mal d'entendre parler de notre équipe nationale, mais vous allez vous en remettre, hein, vous inquiétez pas. Bref, restera pas, on n'en sait rien. La commission technique de l'Union Belge se penchera sur la question la semaine prochaine, quand ses membres actuellement en vacances seront tous rentrés. On sait que Wilmots, son contrat jusqu'en 2018, peut compter sur l'appui de plusieurs joueurs, mais on sait aussi qu'il ne fait pas l'unanimité au sein des Diables, que certains lui reprochent de ne pas être très fort au niveau technique, ou plutôt tactique et stratégique, et qu'il serait donc temps que l'équipe nationale soit dirigée par un top coach. Les deux noms qui circulent le plus sont ceux de Michel Preud'homme, mais alors il faudrait qu'il cumule 2 fonctions, vu qu'il restera l'entraîneur de Bruges la saison prochaine. Et puis nous avons le néerlandais Louis van Gaal au chômage depuis qu'il a quitté Manchester United. Enfin, sachez que l'américain Joey Chestnut, 32 ans, a remporté pour la 9e fois hier le célèbre concours d'ingestion de hot dog organisé à New York. Il a avalé 70 pains saucisses en 10 minutes. Ne me demandez pas comment c'est possible, hein, mais je ne suis pas certain que ce garçon aura l'occasion de fêter ses 40 ans un jour. Fun Radio. Concernant la météo, Carlo, pluie, soleil. Soleil, plutôt soleil. Okay. En tout cas sur l'ouest et le centre du pays demain, plus de nuages sur l'est mais un temps sec et température qui devrait toujours tourner autour des 20 degrés. On annonce un temps très agréable, même de plus en plus chaud. Ah bien. Jusqu'à dimanche, après on verra. Bah, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie de David et du son de 10 euros, salut. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL sur Krefel.be, commandez en ligne, livraison possible chez vous 2 heures après. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. C'est que du fun, 17h-20h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Ya vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy gitana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. lien avec les Daft Punk. Kaufman, t'avais quel âge? Ah, moi j'avais déjà 40 ans. Hein. C'est bien ce que je pensais. Allez, le Sarah, le Salof, des chroniqueurs de Laurence et Kaufman qui sont avec moi. On va commencer par Laurence. Alors, ouais, j'ai grave lové le retour des joueurs islandais au pays. Ah ouais, donc les voilà, joueurs islandais ils au sont football. Rentrés en Islande après leur défaite face à la France 5-2. Non, ouais. Ils sont rentrés en Islande. Mais déjà, oui, ils sont rentrés en Islande. Ouais. Les pauvres, moi j'étais vraiment super super triste, contrairement à toi David. Mais voilà. C'est vrai. Pour moi, ça reste quand même l'une des super grosses surprises et révélations de l'Euro. C'est la première fois en Euro. Ils sont directement partis en quart de finale. Donc voilà, c'était vraiment super, un super chouette parcours pour eux. Et en fait, ils sont rentrés donc en Islande. Ouais. Et ils ont eu un standing ovation de fou de la part des supporters. Ils étaient vraiment des dizaines de milliers à les attendre. Et ils ont fait ce qu'on appelle un clapping. Donc c'est leur spécialité. Et en fait, c'est tout simplement le fait de taper. Bah, voilà. De taper dans les mains. En rythme. Ça va de plus en plus vite. Et à la fin, ils vont tous applaudir. Voilà, les histoires de quand ils sont venus. C'est ça, donc c'était complètement, complètement dingue. Et donc voilà, on va encore entendre parler, je pense, de l'équipe de foot d'Islande. Et c'est tant mieux pour nous. Ouais, ou pas. C'est surtout qu'ils ont froid, donc ils tapent dans les mains pour se réchauffer, quoi. Et le coup de gueule de Kaufman, oui, vous savez qu'on a tous des acteurs un peu fétiches qu'on aime voir, et d'année en année, on aime bien les voir évoluer, il n'y a rien à faire. Il y a des acteurs auxquels on s'attache, auxquels même on a envie de ressembler. Oui. Alors moi, confidence pour confidence, il y en a un dans ma jeunesse que j'ai adoré, ouais. Et pour cause, c'était le parrain, c'était le sommet. C'est Al Pacino. Ah oui, Al Pacino. Tu vois, je veux dire, lui, il a la classe, il a le charisme. Il est plutôt beau gosse mais aussi. Mais il est vieux, non? Bon, on y arrive. Ne va pas trop vite. Bon, aussi. Il avait bien évolué jusqu'à présent. Mais le parrain le plus célèbre de la planète a tout petit peu changé. C'est vrai qu'à 76 ans, il a pris des kilos. Mais il n'a pas pris quelques kilos. Il a pris beaucoup de kilos. Ce qui fait qu'il est devenu quasi méconnaissable. Non. Si, c'est devenu un peu une baleine. Oh, putain. Une baleine italienne. Ok. Donc résultat, moi comme c'est mon icône, bah je dois faire la même chose que lui. Tu vas prendre du poids. J'ai commencé à manger la pasta ailleurs et tout. J'ai fait un bol, deux bols, trois bols. Il y a mon bide qui est en train de gonfler. Je vais bientôt éclater. Mais bon, ça me fait râler de devoir ressembler à Al Pacino. Mais je suis fidèle. Dans les bons comme dans les mauvais moments, big up à toi, Al Pacino. Mais t'inquiète, Kaufman, c'est super mimi, hein, les bidous à un certain âge. Bah, moi, j'adore. J'ai vu comment t'as transformé notre ami David. J'ai pris, dans l'année, j'ai dû prendre 10 ou 15 kilos, effectivement. On t'appelle le bonhomme Michelin dans le jeu de radio. C'est un peu ça, oui. Allez, voici les hommes casqués. Daft Punk sur Fun Radio, 18h10. On est ensemble jusqu'à 20h. Et il y a des places pour Aventure Park qui arrivent dans quelques secondes. Fun Radio. Le son. Dance Floor. This is buns, buns. Avec Paris qui arrive. Hey, ça arrive dans quelques minutes. Mais avant, j'ai des places pour Aventure Park à vous offrir. Comment faire pour gagner vos places? Il faut envoyer Aventure au 6322, mais pas seulement Aventure. Il va falloir envoyer Aventure plus le nom de la série que je vais vous jouer. Je vais vous jouer le générique de la série. À vous de me dire au 6322 en mettant le mot Aventure avant. Quelle série? Ça correspond, ok Kaufman, tu as compris? Oui, mais combien de places t'as à offrir en fait? J'ai deux places. Ah, donc tu peux emmener quelqu'un avec toi? Ouais. Pour t'envoyer dans l'air, dans les arts? C'est ça, pour aller à Aventure Park. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter le générique? Prêt? Oui. Prêt tout le monde? Oui. Ok. C'est un classique, hein. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Aventure plus le nom de la série. Au oui. 6322, d'accord. On parle de la famille Ewing. Ah ouais, c'est vrai. J'étais pas né, moi. Bah, moi si. Laurence, t'étais bah, né non plus hein. Bah, non, j'étais pas né, mais je connais. Hein. Tu connais quand même? Bah oui, t'es gentil. Hein. Ok, j'ai jamais vu ça, moi. Tant que vous ne faites pas vivre un été à la Dallas, moi je dis d'accord. À okay. partir du moment où sa vie. Ah oui. Ok, balance la réponse. Tu balances les réponses pendant les jeux. Ah, c'est un peu comme hier, j'ai un peu la manie de donner les réponses. Et après, il va me dire que j'exagère. Bah, vous envoyez votre prénom plus Dallas, voilà. Non, aventure, aventure. Aventure. Plus Dallas au 6322, puisque Kaufman vous donne les places pour Aventure Park. Allez-y, vous avez le temps de Willy William avec Chris Cab et Paris pour l'envoyer. Aventure plus Dallas au 6322. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, il y a plein de chouettes sons qui font vendre. Il y a des sons drôles, il y a aussi des sons bizarres. Le son de la douche, par exemple. C'est le même que celui de la friteuse. Ricordel avec. Et de la foule qui applaudit. Bravo! Dans la publicité radio, quand c'est l'hiver et qu'il neige, ça fait ça. Ça, ça fait vendre, hein, ça. Alors qu'en réalité, la neige qui tombe, ça fait ça. Et puis, les sons en publicité, c'est jamais vulgaire. Ça, par exemple.

ram pa pa pam ram pa pa pam pam. Découverte Fun Radio. C'est un DJ belge, Liam Summers. On est ravis de vous le faire découvrir sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. On a encore des cadeaux et plein de conneries à vous faire jusqu'à 20h. Memories on my mind. I think of you all the time. Le son Dance Floor va continuer avec Rochelle All Night Long sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. Et je vous avais posé une question il y a quelques minutes concernant un générique. Je vais vous repasser le générique, c'était celui-ci. Voilà, Kaufman avait donné la réponse. Ah, tu chantes trop bien. Et on a quelqu'un qui est avec nous, attention. Hop, salut Lloyd. Salut. Ça va bien? Bon, on te retrouve le matin. Ça va très très bien, merci. Et toi, ça va? Oui, ça va, impeccable. Non, ce n'est pas l'animateur du 9h-13h, hein, parce que moi je ne connaissais pas ce prénom, Lloyd. Lloyd, c'est quelle origine? Je pense que c'est américain, hein, si je dis pas de bêtises. C'est américain. Oh, ouais, okay. Oh, are you Lloyd? Welcome to the radio. Fine, and you. Fine, fine, fine. Alors, Lloyd, c'était quoi la réponse du générique? Alors, c'était très facile, c'était Dallas. Mais effectivement, c'était Dallas, c'était une bonne réponse. Bravo, Lloyd. Bravo! Bien joué! Super, merci. Tu repars avec deux places pour Aventure Park. Tu vas y aller avec qui? Avec mon amoureuse. Hein. Ton amoureuse, tranquillement. Elle s'appelle comment? Mathilde. Mathilde, très bien. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, magnifique. Joyeux anniversaire à Mathilde. C'est un joli cadeau. Et joyeux anniversaire à Mathilde. C'est gentil. Tu vas pouvoir revenir avec un cadeau au moins. C'est déjà ça, c'est pour nous. J'avais déjà prévu les fleurs, mais elle les a pas encore vues. Donc. Maintenant, t'as les arbres. Donc, tu vois, ça va être très fleuri ce soir. Allez, amuse-toi bien là-bas. N'hésite pas à faire des photos pour le Facebook de Fun Radio, ok? Avec plaisir, c'est gentil. De rien, bisous, bisous. On prend tes coordonnées en antenne. Bisous, bisous. Merci. Et pour la suite, on va parler du topito, le top 5 des choses. Et aujourd'hui, le top 5 des trucs qu'on fait à la maison quand on est tout seul. Kaufman, qu'est-ce que tu fais toi à la maison quand t'es tout seul? Je cuisine, je regarde la télévision et je dors. Ok, tu cuisines? Bien sûr. Ouais, j'ai un doute. Bon. C'est parce que t'es jamais venu manger à la maison, c'est tout. Faut déjà recevoir une invitation. Laurence, il fait quoi toi à la maison? Moi, je dors et je fais le ménage. Quand t'es pas chez moi, tu fais... Ah, tu fais le ménage chez moi par contre. Ouais. Ça, c'est vrai. Et toi, tu fais quoi quand tu... Bah, je la regarde faire le ménage. D'accord, c'est un beau couple hein, qu'on a là. Le top 5 des trucs qu'on fait à la maison quand on est tout seul. En cinquième position, c'est un vrai sondage, hein, Topito. Aller se coucher sans se brosser les dents. Non. Qui le fait autour crado. De la table? Non, c'est crado. Ah, parce que t'as l'effet qui se coule, c'est-à-dire que le lendemain, tu te réveilles. Et autant t'avais l'odeur d'un chacal avant d'aller dormir, autant c'est une tribu de chacal, tu vois. C'est vrai. En quatrième position, dormir avec une peluche, c'est mignon. Ah oui, bah écoute, ça m'arrive plus arrivé depuis au moins 30 ans là. T'as plus de femme depuis 30 ans, c'est ça. Troisième, on parle tout seul. Ça, c'est vrai. Moi, je parle tout seul. Hein, quand vraiment. Ouais, on parle tous tout seul quand même. Non. Oh non, je parle dans ma tête. Ah, dans ton front, toi. Non, je parle aux autres personnes qui sont dans ma tête. Ouais. Mais c'est un truc qui nous arrive souvent de parler tout seul. Genre, ah, j'ai oublié ça, faut que je retourne. Moi, je m'arrive tout le temps, en tout cas. Oui, mais c'est pour ça qu'on est différents, en fait. C'est vrai. En deuxième position, regarder des dessins animés. Oui, ça, évidemment. Ah, tout le monde le fait. C'est quoi votre dessin animé préféré, Laurence? Les Simpsons. Les Simpsons? Ah ouais. À fond. Tu regardes toutes les saisons. J'adore. Et toi, comment? Dragon Ball. Dragon Ball. Ok, un classique. Oui. Un classique des mangas. Et toi? Moi, les Razmoquettes. Mais menteur! Je te jure, c'est les Razmoquettes. Non, c'est vrai, il a regardé avec moi. Il m'a dit, écoute, je suis partagé, je sais pas si c'est Heidi ou Candy. Mais non, mais les deux me font craquer. Je suis beaucoup plus jeune pour être Heidi ou Candy. Eh oui, ah, moi mais... c'est Razmoquettes, tu vois, les minicums, c'est tout. Moi, on m'avait dit que t'aimais les plus vieilles, donc. Non, les plus jeunes, Laurence. Dites-moi, 3044, c'est quoi votre dessin animé préféré? Ça m'intéresse. Et en première position, c'est un peu crado, mais je pense que tout le monde l'a déjà fait une fois, c'est faire pipi sous la douche. Kaufman. Sous la douche? Ouais, sous la douche. Bah, maintenant que je suis incontinent, ça m'arrive souvent. Tu fais pipi sous la douche, je vais voir de ton regard. Comment tu me regardes? Mais t'inquiète pas, moi aussi je le fais. Alors, ouais, tu le fais, c'est vrai. Je sais qu'il faut pas le dire. Du moment, que tu nettoies après, ça va quoi. Mais je nettoie toujours après, c'est important. C'est pour ça qu'il disait qu'elle faisait du nettoyage. J'ai beaucoup nettoyé. Allez, pour la suite, on aura le fun game et la radio par le contrôle. Mais avant, c'est Rochelle avec All Night Long. C'est que du fun jusqu'à 20h. Love me love. Allez, mon son préféré de l'été, c'est Kungs, ça arrive. Kungs avec This Girl, il y aura le fun game qui débarque dans quelques secondes, mais avant, c'est la radio perd contrôle. Ah oui ! On écoute les autres radios, on repère les erreurs et on vous les diffuse. Et oui, la radio perd le contrôle sur Fun Radio. Et aujourd'hui dans la radio Perle Contrôle, je me suis intéressé au lapsus, un mot qu'on n'arrive pas à dire. Et on commence avec vivacité, le mec veut remercier un invité, mais ça ne veut pas sortir, et non. À l'auditorium de lutter demain à Charleroi à partir de 15h. Merci. Ah oui, ça ne veut pas. Ah oui, non, ça sort pas, non. Non, il aurait dû copier sur Unique, au moins ça a été plus simple, gars. Allez. Je vais lui envoyer la chanson, comme ça il sera OP le mec. Elle est toujours sur Vivacité. Un commentateur confond le club de Gand avec sa partie intime et c'est très gênant quand même. Roy qui avait trouvé la parade contre Gand, voir si c'était juste un accident de parcours et si on va retrouver le gant flamboyant. Le gant, c'est mieux il quand même. Il y pense trop. Il y pense trop et j'ai trouvé pire parce qu'il y a une femme qui y pense vraiment total, elle est en manque elle. En panne sur la Nationale 5, Charleroi-Bruxelles-Waterloo, peu après la butte. La butte, c'est quand même mieux, hein. Kaufman, c'était déjà arrivé un lapsus? De lapsusé, non, jamais. Ça fait très longtemps qu'on t'a pas lapsusé, c'est vrai ça, Kaufman. Allez, t'es prêt pour ton fun game? Bien sûr. Allez, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et on va parler de quoi, Kaufman? Eh bien, moi j'adore quand les jeux vidéo rejoignent la réalité, et c'est un peu ce qui va se passer avec Gran Turismo Sport, un titre à venir de chez Sony. Ouais. Gran Turismo qui est la licence phare de conduite auto, eh bien, des consoles PlayStation, et c'est depuis quelques années. Eh bien, Gran Turismo Sport, c'est-à-dire le prochain épisode, vous permettra de gagner une vraie licence de course. Ah oui. Wow. Oui, avec Gran Turismo Sport, eh ben Sony entend continuer ce qui avait été initié avec les autres Gran Turismo en permettant à chaque joueur, ou en tout cas à quelques joueurs, de se retrouver un jour derrière le volant d'une vraie course, d'une vraie voiture de course. Ouais, mais comment c'est possible? Eh ben, cette fois-ci, l'expérience, elle est plus réservée à quelques initiés, mais vraiment à tous les joueurs qui auront acheté Gran Turismo Sport. Comment ouais. ça se passe? Il faudra juste compléter les différents modes de jeu, obtenir toutes les médailles d'argent, ou mieux, dans les événements du mode campagne. Il faudra également avoir un certain niveau de pilote et obtenir suffisamment ouais. de points d'esprit sportif. Donc ils allient la performance derrière la console avec l'esprit sportif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop cogner les autres bagnoles. Et à partir du moment où tous ces points, tous ces prérequis sont honorés, eh bien tu as une chance de te retrouver derrière un vrai volant de bagnole de ouais, course. Mais c'est quand même fou, je trouve ça fou de pouvoir... c'est quand même du virtuel, le jeu reste virtuel. Oui, mais bon... C'est pas pour ça que ça va en faire un mec de course. Eh non, mais on demande pas d'en faire un as du pilotage. Je sais, mais il va quand même conduire une voiture de course, je trouve ça... Ouais, c'est... ouais mais on va lui donner les bases, non? Okay, tu vois, ouais. si le gars a pas le permis, il vaut mieux qu'il le passe avant en même ouais, mais, temps. Ouais, mais même s'il l'a peut-être. Mais ouais, c'est pour moi, c'est un peu dangereux en fait ce truc. Parce que sur FIFA par exemple, c'est pas parce que tu marques 5 buts sur FIFA ouais. que t'es footballeur. Tu vois, non, on va pas te dire tu vas jouer au Paris Saint-Germain. Attends, tu es encadré, tu as quelqu'un à côté de toi. Okay. Et on te lâche pas directement ah, oui. au volant d'une Formule 1. Non d'accord, plus. Ah, ok. C'est juste que la finalité, si tu es très doué, c'est de devenir pilote de course. Mais rien que le fait derrière le volant ouais, d'une bagnole, c'est déjà assez sympa alors que tu joues aux jeux vidéo. Ouais, c'est vrai, c'est une belle, très très belle idée de marketing. Mais est-ce que c'est possible? Toi qui connais bien le jeu, c'est jouable? Mais ils ont sorti des grands champions. Hein. D'accord, okay, mais déjà wow. depuis des années. Chaque année, il y avait la Gran Turismo Academy. Là, c'était un peu plus pro. Donc, ça se destinait peut-être à des gens qui avaient déjà certaines notions. Okay. Et des grands champions sont sortis de là. Aujourd'hui, c'est. Bah, plus uniquement réservé à des champions, mais destiné au grand public. Et pour rappel, vous pouvez déjà réserver Gran Turismo Sport dans les 20 magasins Smart Toys. Qui... Voilà, c'est dit. D'accord, et ça sort? Ça sort dans quelques mois. Quoi, c'est pas l'info, Kaufman. Il m'emmerde celui-ci, alors attends les feuilles. Non, dans quelques mois. Non, mais déjà que t'es pas d'accord avec moi, déjà que tu trouves ça dangereux. Mais non, je n'avais pas compris la finalité. Non, mais toi, dès qu'il s'agit de mettre un pied en dehors de la radio ou en dehors de chez toi, c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux. La dernière fois, il a été à la mer, sa femme lui a proposé. Non, c'est trop dangereux. T'as raison, tu me connais très bien. Voilà. Pour la suite, il y aura les meilleurs moments de la PUR. On a encore des cadeaux à faire gagner grâce à Smart Toys. Et il y aura aussi le jeu du Blackjack. Ça se passe dans quelques secondes, ça sera juste après Kungs, Disgur sur Fun Radio. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Rendez-vous le samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, une vingtaine de chars et plus de 100 DJ. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel avec Fun Radio et Plug RTL. Plus d'infos, cityparade.be. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés.

Gros son de festival à retrouver sur Fun Radio dans quelques minutes. Mais avant, on va écouter une séquence de l'Happy Hour. L'Happy Hour qui était de septembre à juin. Nous, on les remplace pendant l'été. Ils reviendront à la rentrée. Là, Audrey fait son horoscope avec Fab. Vous êtes de quel signe, vous, Kaufman? Moi, je suis Capricorne. Capricorne pour Kaufman. Moi, je suis Balance. Balance pour Laurence. Et okay. Toi, t'es Vierge. C'est bon, tout le monde sait. Non, je suis même pas Vierge, je suis Bélier. Allez, 2-30-44 pour nous dire un petit peu vos signes. Et Laurence m'a appris quelque chose. Je suis en couple avec elle. Et donc, elle m'a appris quelque chose. C'est que les signes ont une importance, en fait, pour le caractère. Et ça définit beaucoup sur la personne. Ouais. Tu savais ça, Kaufman? Oui, bien sûr. Les Capricornes sont très têtus, généralement. Ah, ok. Et toi, t'es Capricorne. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Donc, et ça donne... Les Béliers aussi. Hein. Ah, bah mince. Alors, je suis encore dedans. Et toi, donc, c'est quoi Moi, je suis Balance. Et ça donne quoi sur la personnalité? Ça donne aussi un peu têtu, mais on est très buté. Mais je sais pas, mais j'ai pas envie de dire des trucs méchants parce que la Balance est les meilleurs. Donc voilà. Bon, on va voir ça avec l'horoscope de Fab qui commence maintenant. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Yes, c'est l'horoscope maintenant dans l'émission. Vous le savez, on prend l'horoscope classique avec les signes Bélier, genre Taureau, Gémeaux, tout ça. Mais sauf que signe par signe, on va vous dire aujourd'hui si vous allez devenir riche un jour, les Béliers. Alors si un jour vous voulez devenir riche, il va falloir être très gentil avec mamie. Taureau. Non, vous êtes beaucoup trop dépensier pour ça. Dès que vous avez un euro en poche, vous en dépensez deux. Et les Gémeaux. Vous faites votre vaisselle sous la douche pour faire des économies. Continuez comme ça, peut-être que vous deviendrez riche. Ah, c'est dégueulasse. Cancer. Il y a peu de chances que vous soyez riche un jour, hein, mais continue à jouer au loto, on sait jamais. Ah ouais, mais moi j'arrête pas de jouer, je gagne jamais quoi. Non mais sérieux, je rêverais de gagner et de partir sur une île déserte, ouais. Et de faire son radio, j'emmènerais toute l'équipe, ce serait trop génial. Sauf toi, parce que tu rentres pas dans le bateau, ça va pas. Meurs. Non, je t'aime mon petit Fab. Bon allez les lions. Vous vivez d'amour et d'eau fraîche, tant mieux, ça coûte rien parce que vous êtes complètement fauché. Et Vierge. Votre seule chance de devenir riche un jour, bah, c'est d'épouser quelqu'un de riche. Balance. On dit que le travail paye, bah, continue comme ça, mais n'oubliez pas de demander une augmentation. Scorpion. Pour devenir riche, vendez votre corps, même si quand on voit les photos, vous risquez pas de gagner grand chose. Sagittaire. Il y a deux choses que vous serez jamais, riche et beau. Oh bah sympa. Les Capricornes. Alors vous, vous en foutez de devenir riche. Pour vous, c'est pas l'argent qui compte. Et tant mieux, parce que vous en aurez jamais. Et les Verseaux. Vous avez autant de chances de devenir riche que Mimi Mati de devenir une pro du basket. Oh non. Qu'est-ce que t'as, Mimi Mati? Je l'adore. Tu fais une fixation. Et enfin, les Poissons. Vous ne serez jamais riche. Vous avez des trous dans les poches. Changez de pantalon. Ah bah super. L'Happy Hour. Avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Retour de la Happy Hour après les vacances. Pendant les vacances, c'est que du fun. Moi, je m'appelle David, il y a Kaufman qui est avec moi, oui. Smartoys, également Laurence. Ouais. Et pour la suite de l'émission, on aura des jeux à vous faire gagner, des jeux Smartoys. Il y aura également le Fun Game encore. Bien sûr, on parlera des Pokémon. Des Pokémon. Ah, t'aimes les Pokémon. Ah, hein. ça m'intéresse, dis donc. Ils vont sortir bientôt sur Nintendo 3DS. Oui, mais on vous donnera le truc pour gagner un super Pokémon. Oh, sympa, ça m'intéresse. Laurence s'est occupée des couples cet été. Ouais, j'ai regardé ce que les couples ont fait cet été. Ils se préoccupent justement beaucoup de leur couple et ils se remettent ensemble, ils se disputent. Donc là, je vous dirai ça après. Ok, on va jouer aussi au jeu du Blackjack. Pour vous inscrire, vous envoyez jeu au 30-44. Mais là, il est bientôt 19h et à 19h, on s'informe. C'est très important de s'informer avec Carlo. Fun Radio. Fun. En juillet chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. Et on commence par une bonne nouvelle. On s'en douterait peut-être pas comme ça. Alors on parle beaucoup d'insécurité avec la menace terroriste. Mais les chiffres de la criminalité en Belgique sont au plus bas depuis l'an 2000. C'est ce que rapportent plusieurs journaux sur base de statistiques policières. En à peine un an, le nombre de PV enregistrés dans le pays a baissé de près de 8% et jusqu'à 10% à Bruxelles. Alors je parlais de la menace terroriste, bah c'est justement cette menace qui explique, en partie en tout cas, cette évolution, vu la présence de soldats dans les rues. Cela dit, tout ne diminue pas pour autant, hein. Les faits liés au terrorisme, eux, augmentent forcément. Le commerce d'armes à feu aussi, plus 50% hein, quand même. La fraude sur Internet, plus 12%, et le trafic d'êtres humains. Autre mode nouvelle, Donald Trump bat de moins en moins la cote auprès des électeurs américains, reculant sans cesse dans les sondages. Bon, je sais bien que je suis pas censé déclarer qu'il s'agit d'une bonne nouvelle et que ma fonction m'oblige à rester impartial. Mais bon, un populiste raciste, xénophobe, macho et inculte à la tête de la première puissance mondiale, c'est quand même pas vraiment souhaitable, hein. Raciste et puis peut-être antisémite aussi, en tout cas. Le tweet qu'il a posté samedi est assez ambigu, à savoir un montage accusant sa rivale démocrate Hillary Clinton de corruption et qui comporte une étoile à 6 branches ainsi que des billets de 100 dollars. Là, évidemment, on pense à l'étoile de David. Mais Trump affirme qu'il pensait, lui, à une étoile de shérif. N'empêche que ce tweet a été supprimé vite fait. Quant à Mme Clinton, elle en profite, hein, évidemment, pour attaquer son adversaire, dénonçant un message ouvertement antisémite. Suite à l'affaire du trou et au dysfonctionnement constaté, on a fusionné la police et la gendarmerie chez nous. Et bien en France, même s'il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion des attentats de novembre dernier, la commission d'enquête parlementaire mise en place après cette tragédie évoque également une fusion, non pas celle de la police et de la gendarmerie, mais celle des forces d'élite, donc le GIGN, le RAID et le BRI. Non pas que ces forces n'aient pas été en mesure de collaborer efficacement au soir de ce funeste 13 novembre, mais la commission d'enquête se pose des questions quant au bien fondé du maintien de plusieurs forces différentes. Ces unités d'élite ont donc bien bossé, d'après les principales conclusions de la commission. On n'en dira pas autant des services de renseignement, à propos desquels le mot échec est utilisé. Bah oui, forcément, puisque ces services n'ont pas été capables d'éviter le pire. Enfin, quel est le point commun entre la Belgique et l'Islande concernant l'Euro 2016? Ben, le fait qu'elles aient toutes deux été sorties en quart de finale. Et quelle est la différence entre les deux équipes? Eh bien, au niveau de l'accueil lors du retour au pays. Les Islandais ont en effet été fêtés en héros suite à leur parcours historique, salué par le Premier ministre sous les hurrahs des dizaines de milliers de supporters réunis dans un parc où avait été installé un écran géant pour les deux derniers matchs de l'équipe. Les contes de fées, ça existe encore, s'est exclamé le Premier ministre. C'est rare de nous unir, nous Islandais, comme vous l'avez fait sur les terrains. Fin de citation. Fun Radio. Avant d'en trouver le jeu du blackjack, on va s'intéresser à la météo. Alors les températures, Carlo, ça s'annonce comment? Toujours une vingtaine de degrés demain, mais un temps sec avec de belles éclaircies sur l'ouest et le centre du pays. Un peu plus de nuages sur l'est. À tous une excellente soirée, je vous retrouve demain à midi. Et on laisse avec David et le son de Dimitri Vegas. C'est là avec Mike, salut. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Thank you. On va continuer le son Dance Floor avec The Chainsmokers sur Fun Radio. Il y aura aussi le fun game et des infos people, mais avant on va jouer au blackjack avec Juan qui est avec nous. Salut Juan, comment ça va? Oh super, et vous? Ça va, ça salut va. Juan. Salut Juan. Juan, t'es prêt pour jouer au jeu de blackjack? Oh. T'es prêt pour jouer? Nickel. Ok, parfait. Ouais, il a déjà pris la paire au Juan, on dirait. Le principe du jeu est très simple, je te dévoile des cartes une par une. Et pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, t'as gagné. D'accord, Juan? Il faut faire sauter la banque. Ouais, faites sauter la banque. Et attention. Si tu pouvais faire sauter David par la même occasion, ça m'arrange. Juste non, moi ça m'arrange pas. Allez, première carte pour Juan, le 2. Juan. Carte suivante. On continue, après le 2, je te dévoile un 5. On est donc à 7. Carte suivante. Très bien. J'exécute, Juan. Un 6. Ça fait 8. On est donc. Mais non, 6 plus 5 plus 2. Ah oui, 13. Ça fait 11. 13. 18. Il n'a pas appris à compter, toi. L'école. Ça fait 13. Est-ce que tu continues? Bien sûr, tu vas continuer. Hein. Évidemment. Bah, bien sûr que tu vas continuer. C'est évident que tu vas continuer. Attention, voici la prochaine carte, les amis. Ah ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, Juan. Et la prochaine carte, t'es à combien là? 10 plus 13. 13. On se demande qui s'est pas compté. Oh. La prochaine carte est un 10. Non fait... Il a fait un bust. 23. Ça veut dire qu'il a pété. Ah, oh, Juan, aïe, aïe, t'as aïe, perdu, aïe. Juan. Les cartes, elles m'aiment pas. Ouais, je pense qu'elle t'aime pas, les cartes. Je suis désolé, Juan. J'aurais dû prendre la routière. Je suis désolé, ouais, t'as pas de chance aujourd'hui. C'est que une question de chance, en, le blackjack. En vérité, ça, c'est que du fun, tu sais, Juan. Ouais, oui, c'est que du fun de 7h à 20h, Juan, hein. Oh ouais, bon, t'as quoi, je vais aller prendre la banque. C'est mieux que je me sers, tu vois, en disant bon, passez-moi l'argent, c'est beaucoup mieux. Ça, faut voir avec Kaufman pour prendre l'argent. C'est lui qui s'occupe du business. Allez, bonne soirée, Juan, bonne soirée. Bonne soirée. Salut, à tout le monde, Juan. Et à Kaufman. Ouais, je t'embrasse, ouais, Juan. Il t'aime bien. Bisous, bisous, bisous, Juan. Pour vous inscrire au jeu du blackjack, envoyez jeu au 3044. À suivre des infos sur les couples, Laurence. Ouais, j'ai plein d'infos sur les couples. Je vais vous parler de trois couples, mais j'en dis pas plus. Ah, tu dis, allez, un petit nom. Il y a qui dedans? Il y a Khloé Kardashian. Ouais. La sœur de Kim. Ok. Il y a Johnny Depp. Ah, sympa ça. Et il y a Drake. Ah, Drake, oui. Le chanteur canadien. Et Kaufman aurait j'ai entendu, fun. Drake, il s'est mis en couple avec Mireille. Avec Mireille? Ah non, c'est pas la même info alors. Il y a également le fun game, on va parler Pokémon avec Kaufman, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Et t'auras quand même des cadeaux à offrir. Aujourd'hui, on n'a pas offert vraiment de cadeaux Smart Toys, on va quand même en offrir là. Bien sûr, on vous fera un pack de goodies Overwatch dans lequel on vous filera un vinyle, donc vraiment un disque vinyle. Ok. Collector, il y aura des stickers, il y aura plein de trucs pour régaler toute votre famille, petits ou grands. Très bien. Petits. On en parle après The Chainsmoker, on est ensemble jusqu'à 20h sur Fun Radio, c'est que du fun. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my me down. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Sur Fun Radio que ça se passe, ça se passe. This is fun. Fun Radio. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me. Take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire, or we can burn in love tonight. Our hearts alive. Suite du Sundance Floor, Face et Afrojack avec Hey! Flûte de Pan et compagnie sont tout à l'heure sur Fun Radio. On va parler maintenant People avec Laurence. Qu'est-ce qui se passe au niveau des couples cet été? Ouais, bon, en fait, les People, au lieu de partir en vacances sur des îles paradisiaques, ouais, elles se préoccupent beaucoup, beaucoup de leur couple. Et il y a notamment Johnny Depp et Amber Heard qui sont en train de divorcer, on l'a tous entendu. Okay. Ils se déchirent. Amber dit que voilà, il lui a fait une pression psychologique. Apparemment, il y aurait des menaces physiques et tout. Enfin, bref, de la violence et tout. directement les proches de Johnny Depp sont montés au créneau pour dire que c'était faux, que c'était quelqu'un de bienveillant et que voilà. Johnny Depp, il était avec Vanessa Paradis avant. Ouais, il y a des années. Ouais. Il y a des années. Excusez-moi, je suis à la ramasse. Ils ont eu un enfant, Lily Rose, qui est absolument splendide, qui ressemble à sa mère d'ailleurs. Ils ont même deux. Ils ont deux enfants. Ils ont pas perdu leur temps. Et donc voilà, avec Amber Heard, ça a duré 15 mois. Donc après 15 mois, ils décident de divorcer. Ouais. Et maintenant, tout récemment, en fait, on vient de voir que Johnny Depp a changé son tatouage. Il avait fait un tatouage pour sa bien-aimée, enfin son ex-bien-aimée maintenant. Il était marqué Slim, qui veut dire Roosevelt, le petit surnom affectif qu'il lui donnait en fait. Et maintenant, il a décidé de le changer en Scum, qui veut dire pourriture ordure. Oh, ça se fait pas ça. Ouais, donc il est complètement dégoûté, il veut vraiment tourner la page, et donc on leur souhaite bon courage pour la suite. Ok, un autre couple un autre couple, c'est le couple un peu surprise de l'été, c'est celui de Khloé Kardashian, donc la sœur de Kim, avec Trey Songz, le chanteur R&B. Bah, c'est un chanteur R&B super beau, super... voilà. Super beau, quand même. Ouais. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu le couple surprise de l'été. Bon, c'est pas encore officiel, on sait pas encore vraiment s'ils sont ensemble ou pas, mais les médias disent qu'ils sont vraiment inséparables et on les voit tout le temps ensemble pour le moment. Donc voilà, je pense qu'il y a Anguille sous roche et faut vraiment observer le truc pour très bien. Je rectifie, il y a Anguille dans la roche, pas sur la roche. Donc voilà, pour finir, on va parler d'un couple qui était anciennement mythique dans le monde de la musique US, c'était celui de Drake et Rihanna. Ah oui. Donc ils s'étaient séparés et maintenant apparemment, ils l'ont annoncé officiellement, ils sont de nouveau ensemble. Ah, bah, donc voilà, ça nous fait super plaisir. Mais après, c'est vrai qu'on avait mis quand même, on pensait comme il y avait quelque chose quand on les avait vus dans le clip de Rihanna Work. Ouais, c'est où vrai. Ils étaient quand même très très très proches et c'était très très hot entre eux. Et entre temps, Drake il apparaît souvent dans les concerts qu'elle est en train de faire d'ailleurs dans toute l'Europe Rihanna et il a même déclaré qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Donc il lui a fait une belle déclaration et ils ont dit qu'ils étaient de nouveau ensemble et voilà. Ok, c'est sympathique ça, Drake et Rihanna, mais pour moi ça va recasser encore. Moi je pense pas. C'est un peu du buzz des trucs comme ça. Pour moi c'est du gros foutage de gueule tout ça. Ouais, je pense aussi que c'est du buzz. Dites-nous 3044 ce que vous en pensez. Est-ce que c'est du buzz ou est-ce que c'est réel? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? J'y crois très moyen quand même à moi, ça. Moi j'ai envie d'y croire. Je t'aime, moi non plus je t'aime plus. Ouais, c'est cool mais pour je le business. T'aime. Juste pour aller au concert, pour vendre leur concert et vendre. Mais je t'aime non, plus. Arrêtez de dire ça. Moi j'ai envie d'y croire. Mais je leur souhaite t'aime. Beaucoup de bonheur. Mais je t'aime plus. Kaufman, ça fait combien de temps t'as pas dit je t'aime? Moi je t'aime plus non plus. Voilà. Il répond plus. Game qui débarque dans quelques secondes, on va parler de quoi? Je t'aime. On va parler d'amour alors. Moi non plus, je t'aime plus. D'amour avec les Pokémon, ça arrive maintenant. Juste après Face et Afrojack sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. Allez, prêt pour un marathon de soldes? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une Suédoise. David Keita, I love you. Et si on l'appelait genre Adriana? Oh ouais. Oh ouais, attends, soulève-lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça les filles en festival, hein? Tu crois? Bah ouais. Oh ouais, ok, ouais. Préfère le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, nous vous livrons le gros électroménager et reprenons votre ancien appareil, le tout gratuitement. Conditions sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry faced and I care what you think. My name's blurry faced and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one.

New Music, découverte Fun Radio. On vous fait découvrir Eva Simons avec Escape from Love sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Si vous êtes sur la route, dans les bouchons peut-être, pour la suite du Sundance Floor, je vous propose Benny Benassi et Chris Brown avec Paradise. Mais maintenant, on va s'intéresser aux jeux vidéo avec le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et on va parler de quoi, Kaufman ? Eh ben, on va parler de Pokémon. Vous savez, tout l'été, on sera à l'affût des bons plans jeux vidéo. Ouais. Ceux qu'il faut absolument pas rater. Alors, si vous aimez les Pokémon, sachez que le Pokémon fabuleux, Pokémon fabuleux, est offert ce mois-ci. En effet, la Pokémon Company annonce aujourd'hui qu'il est possible de récupérer dès à présent le Pokémon Shaymin. Ouh. Shaymin, qui est un Pokémon de quatrième génération, qui est présent sur l'île du paradis fleuri. En somme, ce Pokémon peut s'enrouler sur lui-même pour pouvoir mieux se cacher. Ah, bien, il ça. Est capable de purifier l'air et de carrément faire pousser les fleurs. Très bien. Tu vois, c'est le Pokémon qu'on aimerait avoir à la maison. Ah, c'est top ça. Alors, pour pouvoir récupérer ce Pokémon-là, il faut posséder d'abord soit les versions XY, Ruby, Omega ou Saphir Alpha. Ce sont les jeux. Très bien. Une fois que vous avez ce jeu-là, bah, il vous suffit de choisir l'option « Recevoir un cadeau sur Internet ». Dans le jeu, puis de vous rendre dans un centre Pokémon pour le récupérer et l'histoire est jouée. Et on l'a directement le truc. On l'a directement, gratuitement. Et la Pokémon Company a décidé de marquer le coup aussi à la rentrée. Tout ça pour encore préparer un petit peu mieux eh bien, les sorties du prochain Pokémon Soleil et Pokémon Lune. C'est magnifique, ça sort quand ? Bah, ça sort en novembre, si je ne m'abuse. Fin novembre, je crois, ça sort le 23 novembre. Voilà, fin novembre, et donc ils font du marketing. Hein. Ils annoncent l'arrivée du nouveau Pokémon en redonnant un petit peu d'intérêt à leur jeu déjà précédemment sorti. Ouais, ça va fonctionner, un Pokémon. Tout le monde l'attend, je pense, ce Pokémon, non ? Mais t'aimes bien les Pokémon, toi. J'adore ça. J'adore. Je lâche une petite Pokéball en même temps, tu vois. Mais tu fais le look maintenant avec ton poing un petit peu. De Ronflex ? Non, de Pokéball. De Pokéball. épaules. C'est vrai, on va offrir des cadeaux maintenant, Kaufman. Bien sûr, on va vous offrir un kit collector d'Overwatch. Si vous connaissez le jeu, eh bien sachez qu'il existe des goodies complètement exclusifs qui ne sont pas achetés dans le commerce, qui ne sont même pas trouvables dans le commerce et qu'on va vous offrir maintenant. Pour ce faire et pour participer avec nous, il va falloir envoyer jeu au 6322. On vous sélectionne. Et puis c'est tout, c'est gagné, c'est cadeau et c'est que du fun. C'est ça, juste après Benny Benassi et Chris Brown, Paradise sur Fun Radio. Et après on prend le tirage au sort pour le jeu et les goodies Spartoys. Overwatch. Overwatch, voilà, cherchez le titre du jeu, merci Kaufman. Mais je suis là pour ça en même temps. C'est gentil, merci. Laurence Kaufman et moi on est ensemble jusqu'à 20h, du lundi au vendredi, 17h-20h, c'est que du fun. Ne bougez pas, on a encore des jeux à vous faire gagner avec Smart Toys et avec Kaufman dans le Fun Game. Il y a également le son Dancefloor qui va continuer avec Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada. Oh, le diable s'habille plus en Prada. Ah. Je suis fan de ce son de Soprano. Je l'adore, Soprano. Ah oui, je vois ça. Je suis en plein kiff. Ah, c'est vrai. Je me suis dit, il y a deux solutions. Soit on est en train de lui couper la main, soit il chante. Je chante, en fait. Excusez-moi si vous êtes en voiture ou chez vous. Excusez-moi. Bon, pour la suite, on aura donc là encore des jeux à vous faire gagner. Mais les invités, important. On fait un point invité. Demain, on a Alex Germis qui sera notre invité. On aura également MHD. d'ici la fin de semaine. MHD quand même, gros gros lourd. Afrotrap. Ouais, Afrotrap partie 5. Champions League. Pa. Il a fait un truc juste pour toi, Kaufman, en plus. C'est vrai? Oui. Mais si je te demande un service de plus chanter jusqu'à la fin de semaine, est-ce que tu vas le faire? Je vais le faire, je te jure, je ne chanterai plus jusqu'à la fin de semaine. Bon, Kaufman, c'est important, le moment est de gagner des jeux. Kaufman. Oui. On va vous offrir un kit collector Overwatch comprenant des goodies exclusifs. C'est bien pour l'été, ça. Il y a le t-shirt Overwatch, ouais. Il y a également le necklace, c'est le truc que tu mets autour des cou pour mettre tes clés dessus. Ah oui, ok, d'accord. Puis il y a aussi des stickers, même un disque vinyle comprenant la bande originale du jeu. Donc on fait mieux que de vous offrir simplement le jeu. On vous offre un kit collector Overwatch. Pour rappel, Overwatch c'est un MOBA qui est en train de cartonner. Ouais. Un MOBA c'est quoi? Bah, c'est un jeu en arène, une équipe de 4... personnes, okay. Vous êtes 4 personnes qui rencontrent une autre équipe de 4 personnes. Vous rencontrez, vous affrontez le premier qui prend tous les points sur la carte à gagner. Et nous, on vous offre le kit collector ce soir. C'est à gagner en jouant avec nous au 63-22. Vous envoyez le mot jeu. Très bien. J-E-U-X ou J-E-U, vous faites comme vous voulez. Ok. Parce que toi, tu l'écris G-E-U, je pense. Enfin, c'était hier. Ouais. Hier ouais. C'était ça, oui. Et puis, vous passez à l'antenne avec nous et il n'y a pas spécifiquement de questions. Moi, j'ai le cœur sous la main et sur le front, tout le monde le sait. Donc, on vous offre le kit collector directement très cet bien. Été. On peut y aller maintenant pour envoyer ? On peut le faire maintenant ? Bien sûr. Ok, très bien. Envoyez donc jeu au 63-22 pour gagner le gros pack collector offert par Smart Toys. C'est exclusif, vous ne le trouvez pas en magasin. Smart Toys, je ne le vends pas. Hein. Non. Aucun autre le vend d'ailleurs. Non. Que pour nous, que c'est que du fun. Exactement. Très bien. Et tu ramèneras aussi, j'attends toujours, hein, le truc de PlayStation. PlayStation VR. La PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle qui ne sortira qu'en octobre dans notre pays. Ok. Eh bien, on vous le fera tester en exclusivité sur Fun Radio et dans C'est que du fun. Pendant les vacances, quelque part, on vous fera message. Je ne suis même pas au courant, moi. Bah, dans quelques jours, voire dans quelques semaines, on arrivera avec, avec tout le casque, avec la console. On vous fera tester en studio ce casque de réalité virtuelle. Et vous nous direz en live ce que vous en avez pensé. La radio parle contrôle, je la garde celle-ci. Tu penses donc tu es. Je pense ça. En tout cas donc je suis. Ouais, ne pense plus alors. J'y arrive pas. Ce que vous en avez pensé. Merde. Je savais pas que j'avais pris un bec dans les filles. Kaufman, allez envoyer jeu au 6322 pour gagner le pack. Et maintenant c'est Soprano avec le diable. Ne s'habille plus en Prada. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. Après le Marseille soprano, place à l'espagnol Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Avec Duale et El Corazon. Mais avant, on a Julien qui est avec nous dans le standard, qui a joué avec le jeu Smart. Salut Julien, comment ça va? Bien et vous, toute l'équipe, tout va bien? Salut Julien! Va, ouais, bah oui, ouais, ça va, écoute, on vient de remarquer que notre ami David parlait beaucoup mieux espagnol qu'il ne parlait anglais. Beaucoup de titres en espagnol. Ça va Julien, tu fais quoi de beau? Jamais des gènes cachés. C'est ça, oui, tu fais quoi de beau? Moi je vais aller au Krav Maga là pour l'instant. Ouh. Donc je suis un peu chaud. Donc. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Explique-moi, de combat israélien. C'est un art martial israélien, ouais. Et qui se fait de plus en plus répandu, et donc maintenant je le pratique. Et ok. Technique de défense, hein, c'est ça? Une attaque. C'est ça, beaucoup de self-défense et plus ou moins tous les coups sont permis. Ok, ah oui. Très agressif. Et même les coups de pied dans les couilles. Oh, ah oui, carrément. Et c'est pour ton plaisir personnel ou. Le coup de pied dans les couilles, non. Mais il est aussi pacifique, tu joues aussi aux jeux vidéo, Julien? Oui, beaucoup. Je suis beaucoup sur des MOBA, d'ailleurs. Ah bah d'accord. Et dès que j'ai des sous, bah, j'achèterai Overwatch. Eh bah d'accord. Bah nous, en tout cas, on va t'offrir un kit collector, ouais. Overwatch pour pouvoir te la payer, te la jouer cet été, puisque les goodies qui s'y trouvent dedans sont complètement introuvables, exclusives et 100%, c'est que du fun. Tu vois. Voilà, voilà. C'est pour nous, c'est cadeau. Bravo, Julien. Ah bah merci beaucoup. Mais j'en suis ravi. Bah nous aussi, finalement. Là, t'es sur la route, hein, Julien, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu fais attention sur la route. Hein. Oui, toujours. Il y a un peu d'embouteillage ou pas? Rien du tout. Heureusement, c'est fin de journée, tout le monde est déjà rentré chez toi. Ouais, aussi, bah, c'est cool, l'été, ça. Tu vois. On est au mois de juillet, donc un petit peu moins d'embouteillage. Oui. C'est normal. Allez, bon courage, Julien, pour la fin de journée. Allez, une bonne soirée à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Bien. Bisous, bisous. On prend tes coordonnées tout de suite. Bisous, bisous, Julien. Pour la suite, on va se repasser un des meilleurs moments de la Happy Hour. Et je vais vous parler d'Alex Jarmis, notre invité, qui sera là demain dans nos studios. On prévoit même un petit mix, Kaufman. Eh oui, il va mixer en direct. Non. Ah si, c'est comme ça. Attends, tout cet été, c'est quoi? Bah, c'est que du fun. Bah voilà, c'est pour ça qu'il va mixer en direct. Alors, on revient tout de suite. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio, Fun Radio, le son dance floor. Le son dance floor.

think I could stop your searching around. I can't do this anymore, so give me your love. Comment tu danses bien, Kaufman, là-dessus? Ah oui, fou. Je bouge mon boule, comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes, même les jeunes disent plus ça, Kaufman. Je bouge mon boule. Alors, ils disent quoi? Et dis-moi ce qu'ils disent, tiens. Je sais pas, Laurence, ils disent quoi? On move, ah oui, voilà. Bah, toi et moi. On n'est pas en move. On n'est pas encore dans le move, non. Allez, les meilleurs moments de la P.O.R. avec le Baby Blind qui va arriver demain. Alex Germis, pour ceux qui ne connaissent pas Alex Germis, je vous fais écouter un petit extrait de sa nouvelle musique, Sweet Afterglow. Il sera avec nous demain, Kaufman. Laurence, vous pouvez poser toutes les questions avec lui demain. Les auditeurs, n'hésitez pas, 3044, si vous avez une question à poser à Alex Germis ou sur le Facebook de Fun Radio, toujours acceptable, Kaufman. Oui, bien sûr, vous tapez Fun Radio et vous nous laissez un petit message privé sur la fanpage et on posera toutes les questions à notre ami Alex Germis demain. Ouais, il est prévu aussi qu'il fasse un set DJ pendant un DJ set, je parle un peu. De connu. Je parle un peu comme ça maintenant. Pendant quelques minutes, ça va être vraiment très sympa de le recevoir. On aura aussi MHD d'ici la fin de semaine, encore d'autres invités qui vont être prévus. Je suis en train de m'occuper de ça, on est sur des bonnes voies là. Oh, t'es trop people. On va recevoir vraiment des bons chanteurs qu'on passe sur Fun Radio. Mais maintenant, c'est l'heure d'écouter un des meilleurs moments de la P.O.R. La P.O.R. c'est de septembre à juin et ça va revenir à la rentrée. Nous, on est là pendant les vacances. Ça veut dire qu'on est en fait des réservistes. On est les réservistes. On fait monter sur le terrain quand il n'y a plus personne. C'est ça, on est les remplaçants. D'accord. Et c'est avec le Baby Blan que je vous laisse. Nous, on se retrouve demain dès 17h. Bye bye. Bisous. Salut, bonne soirée. Écoutez, ça s'est passé dans la P.O.R. avec Audrey sur Fun Radio. Un enfant, ça fait du bruit. On comprend rien quand il parle. Alors, imaginez quand il chante. C'est le Baby Blind sur Fun Radio. Il faudrait sincèrement décerner une médaille à toutes les mamans, quoi. Sincèrement, oui. C'est un truc de surtout fou furieux. Je suis allée ce week-end à une plaine de jeux. Comment elles font? Ça crie dans tous les sens, ça hurle, ça pleure, ça fait des crises. Moi, je suis sûr que tu y vas juste pour regarder les autres gosses et te dire j'ai de la chance, je rentre chez moi, c'est bon. Bah, c'est juste, en fait, je rajoute à la liste pourquoi je veux pas d'enfants. Tu vois, je suis allée à un mariage aussi ce week-end, il y avait des enfants partout, alors que c'est des enfants de ma famille. Hein. Ouais. Mais ça crie, mais c'est toujours. Jamais ils peuvent être contents, tu vois. Oui, mais non, mais pourquoi? Bon, il faut muer alors. What? Non. Ça crie, mais on entend moins. Du fab, non, dis pardon. Non, mais, ça non, ça c'est pas drôle. Oui, ils vont entendre, pardon. Non, mais les parents alors, c'est pas drôle. Pardon, franchement, tu deviens lourd aujourd'hui, sérieux, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton fucking problème? Rien. Toi, t'as été largué. Mais non. Non, t'es encore en couple. Bah, bien, moi, combien oui. de temps ça fait? 5 mois bientôt. Eh, hey. Et hey. Là, oh, non, on applaudit sa copine, on applaudit Julie. Juju, si tu écoutes l'émission, félicitations à toi. Tu fais partie des meufs avec qui Fab est resté le plus longtemps de sa life. Et ouais. Et voilà. Bon, sur ce, on va se faire un petit Baby Blind, c'est parti. Vous allez voir, on est dans les années. Attends, c'est les années quoi ça? Années 90, je crois. Ouais. Années 90, années 2000. Si vous avez une idée de la réponse, vous me filez soit l'artiste, soit. Non, c'est quoi juste l'artiste? On va faire comme ça. Vous me filez l'artiste, si vous arrivez à me donner la bonne réponse, je vous file un pack fun, vous envoyez tout ça au 3044. Écoutez bien. Lire un jour, sans regard, n'oublier toutes nos images, sans se retourner, ne pas regretter. Penser à demain, de retour, penser. De retour, penser, c'est pas. Ouh. Alors, je vous préviens, les paroles, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il est-ce manque que des sujets. Fab, hein. Tu as une idée? Non, du tout. Mais alors, bon, non, je te jure que non. On faisait même la chorégraphie et tout. Chorégraphie. Dans la cour de récré. Ah ouais, moi je le faisais, moi, dans la cour de récré. C'est un classique, sérieux. Non. Allez, Kiki au standard. Bah oui, en plus, c'est ma génération. Tu te la pètes en plus. Bah oui. Tu sais jamais dire genre ouais, j'ai la réponse ou tu te la pètes tout de suite, Sandro. Excuse-moi, à quel moment c'est sa génération? On a le même âge et t'as dit que c'était vers les 90? Ouais, vers les 90. Mais je crois que c'est 90-2000, ouais, je sais pas, un truc comme ça. Moi, entre 90 et 2015. On me dit les Backstreet Boys par SMS au 3044. C'est pas ça, mais c'était un peu le même genre. Réécoutez, concentrez-vous bien. Si vous avez une idée de la réponse, 3044 et je vous file un petit pack. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio.